étoile éternelle, une fleur qui rougit quand je passe les rêves et les choses de la vie. Comme une étoile éternelle, comme une fleur qui sourit, comme les pleins phares qui m'appellent. Comme une fleur qui sourit, une étoile éternelle, comme un feu qui jaillit quand je passe vers elle et les choses de la vie. Comme une étoile éternelle, comme une fleur qui rougit, comme les pleins phares qui m'appellent. Comme une étoile éternelle, comme une fleur qui rougit. Une étoile éternelle, une fleur qui rougit. Quand je pars.